Je crois te voir partout. Je me souviens quand tu riais, c'est le bonheur qui grandissait autour de nous. Dans la maison des jours heureux, le grand silence de ton adieu n'en finit pas. Et me voilà comme en prison. Je vais, je viens, je tourne en rond, perdu sans toi. Dans un grand lit où près de moi tu t'éveillais. Je croyais voir la nuit, le jour, dans tes yeux clairs, tellement d'amour je me trompais. Je t'aime encore, Dieu si loin, et je suis comme un enfant là, seul dans la nuit. Mais dans mon cœur, il neigera toute ma vie.